Mosaïque. Bonjour à tous, meilleurs vœux pour l'année 2022. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission sur Isanganiro. Nous revenons sur le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, qui a été présenté solennellement le lundi 20 décembre 2021 devant les deux chambres du Parlement burundais réunies en congrès à l'hémicycle de Kigobe. Il s'agit d'un rapport selon lequel les crimes qui ont été commis au Burundi en 1972-1973 constituent un génocide des Barundis du groupe ethnique de Hutu. Nous allons nous borner essentiellement sur cette qualification, mais aussi probablement sur les responsabilités. La suite à y réserver, l'impact du rapport face au volet vérité et réconciliation, le comportement que devraient adopter les Burundais en général et les pouvoirs publics en particulier. Nous sommes avec nous trois invités sur le plateau. Aloïse Watungwanayo, historien de formation, c'est aussi une des victimes de la crise de 1972. Bonjour et bienvenue, monsieur Aloïse Watungwanayo. Je vous salue, monsieur le journaliste. Je vous remercie de m'avoir invité. Vous faites aussi partie de l'équipe de la CVR, Commission Vérité et Réconciliation. Bienvenue. Merci beaucoup. Honorable Ernest Nahimana, sénateur, et vous êtes le porte-parole du parti UPRONA, le parti qui était au pouvoir en 1972 et qui est aujourd'hui incriminé par la Commission dans ce dossier. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour et merci de l'invitation. Nous sommes également avec vous, professeur Évariste Ngaïmenda. Vous aussi, vous êtes enseignant d'université, historien de formation, chercheur. Bonjour et bienvenue, professeur. Merci et bonjour. Nous avons voulu être avec nous dans cette émission avec Jean de Dieu Moutawazi. Jean de Dieu Moutawazi, c'est le président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Il avait accepté de participer, il est même venu, mais malheureusement, il est parti avant le début de l'émission. La mise en onde est assurée par le trio Lies Inina Hazwe, Désiré Nkurunziza et Eric Uimana, réalisation d'Alain Désiré Bukeyeneza, à la présentation Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission. Isanganiro. Aloïse Watungwanayo d'abord, vous êtes membre de la commission Vérité et Réconciliation, CVR, chercheur, victime de la crise de 1972. Vous estimez que la CVR, dont vous êtes membre, est à quelle étape dans la recherche de la vérité sur les crimes qui ont marqué l'histoire du Burundi? Bon, je dirais que l'étape n'est pas vraiment très grande parce que la CVR, comme le stipule la loi sur cette institution, doit travailler depuis le 26 février 1885 jusqu'au 4 décembre 2008. Et maintenant, la CVR vient de rendre public le rapport sur une période. Vous comprenez, sur une période depuis 1985 jusqu'à 2008. 1885, c'est... C'est juste une étape, je ne dirais pas une grande étape, mais une petite étape qui ouvre quand même la voie à la vérité et bientôt la voie à la réconciliation. Et surtout, la voie au débat, parce que le rapport doit faire objet de débat. Une petite étape, mais en tout cas, la qualification de crime comme étant un génocide, c'est pas rien. Ben, c'est pas rien, c'est une qualification sur une période. Qu'est-ce que la CVR va trouver sur les crimes commis en 88? Qu'est-ce que la CVR va trouver, ou bien comment est-ce qu'elle va qualifier les crimes commis depuis 1993 jusqu'à 2008, et bien avant, en 1965. Donc, c'est une qualification sur la période de 1972. Ce n'est pas une qualification sur tous les crimes qui ont été commis. C'est pour cette raison que je dis, ce n'est qu'une, si vous voulez, une petite étape, parce qu'il y aura d'autres rapports sur d'autres périodes. Sinon. Et d'autres qualifications. Sinon, votre sentiment à propos de cette qualification solennelle, le 20 décembre 2021. Bon, moi je dirais que c'est vraiment un sentiment de satisfaction. De satisfaction parce que malheureusement, après 50 ans, je dis bien. Presque 50 ans. Presque 50 ans. À partir de 72. Finalement, on commence à connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans cette période. Pour moi, je dirais que c'est vraiment une satisfaction, même si c'est venu, il faut le dire, il faut le préciser, c'est venu un peu tard. Pourquoi ? Parce qu'il y a des familles et des victimes, il y a des victimes qui sont mortes avant d'avoir cette vérité, avant de retrouver la dignité qui leur avait été ôtée par les pouvoirs en place de cette époque. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui est à l'origine de ce retard ? 1972-2021, il y a un retard. Ben, la CVR a essayé de chercher. Je fais partie de la CVR, je ne parle pas pour la CVR, mais il y a certaines raisons, c'est normal. Le régime qui a commis ce génocide en 1972 a continué jusqu'en 1976. Normal que ce régime ne pouvait pas dire autrement, mais il faut dire que le régime, ce régime a condamné les gens pour génocide. Les rapports sont là. Les gens qui sont cités, nous avons les noms, ils ont été condamnés par le Conseil de guerre pour avoir commis un génocide des Batutsi. Donc le régime a traité. 76, de 76 à 87, le chef de l'État de cette époque n'était que l'ancien vice-président du Conseil de guerre qui a condamné ces gens. Il ne pouvait pas traiter autrement ce qu'il avait traité. L'ancien chef de l'État, Seba Gaza, il était le vice-président du Conseil de guerre qui a condamné ces gens. Donc c'est lui, il avait déjà fait son travail. C'est normal qu'il n'a pas pu faire autre chose. Mais on a vu les autres régimes, ils ont commencé, le régime où il a commencé, l'unité, le débat sur l'unité et réconciliation. Il y a d'autres régimes qui ont commencé les négociations. Donc j'essayais de donner certaines raisons. En passant, une petite question avant que ne passe la parole à l'honorable Ernest Nahimana. Il y a le parti UPRONA qui est incriminé. Pourquoi et comment, selon vous ? Il suffit de lire ce rapport. C'est basé sur des faits. C'est basé sur des déclarations des chefs de ce parti. Je dis bien des chefs de ce parti de l'époque. Vous vous souviendrez que le chef du parti de l'époque, c'était le président lui-même. Tous les militaires, d'ailleurs tous les Barundis, tous les militaires étaient des upronistes. Des upronistes, mais ceux qui étaient des gouverneurs dirigeaient ce parti dans les provinces. En fait, je voulais savoir pourquoi incriminer justement, le parti et non les hommes. C'est les deux finalement, le parti et les hommes. Et si aujourd'hui, il y a des crimes qui sont commis au Burundi, qui répond pour ces crimes ? C'est le président de la République. On pose la question au président de la République, pourquoi il y a des crimes ? Et puis, pourquoi on dit le parti UPRONA ? Je dis la CVR. Lorsque vous lisez l'arrêté royal du 23 novembre 1966, qui supprimait tous les partis politiques et d'autres organisations non gouvernementales. Donc le parti UPRONA devenait unique. Pas seulement unique, ça c'est simple. Un parti État qui donne l'orientation générale de l'État. Et si c'est l'État, aujourd'hui, représenté par Michombero, qui a commis ces crimes et qui dirigeait ce parti, comment dissocier le président du parti qu'il dirigeait et surtout les déclarations de ce parti? Il n'y a donc pas voilà, à dissocier le chef de l'État, le chef de l'État de l'époque, et de son parti, l'UPRONA. Et il y a le porte-parole du parti UPRONA, honorable Ernest Nahimana, ici présent sur le plateau. Votre réaction en tant que porte-parole du parti UPRONA? Merci de la parole. Le parti est incriminé. Oui, le parti a été incriminé par la CVR. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Et le parti UPRONA a rejeté en bloc toutes ces accusations. Avec trois causes. En premier lieu, M. Aloïse vient de dire que le parti était parti État. C'est vrai, c'était parti État, mais pour faire un génocide, le génocide est préparé. Nulle part, ils peuvent donc trouver un document où on parle des réunions que le parti UPRONA a tenues pour planifier ce génocide. Deuxièmement, les membres dirigeants de ce parti, faisant partie de... Il y avait des hautes autorités du parti qui ont été assassinées pendant ces événements. On citerait par exemple un certain de Koumana Grégoire, qui était secrétaire adjoint du parti IPRONA, chargé des relations avec les partis politiques étrangers. Ça, il était... Il a été trouvé à Mugumia, à Kumugumia, et il a été assassiné. On citerait aussi Mozenzi Pierre, ancien ministre de l'Intérieur. Il est Dombouillé. On citerait aussi Balanzissa Cyprien, qui était... c'était des gens qui faisaient partie... Ils ont été tués. Tous. Ils ont été tous tués. Et c'était des gens qui étaient très influents, des autorités respectables dans le parti. Deuxièmement, la CVR n'a pas considéré la lettre que le professeur Émile Mouroha a écrite au président de la République, lui signifia que tous ces massacres qui étaient en train de se commettre ici au pays, n'avaient pas comme responsable que les militaires et les administratifs. Donc, la c'était GRR... C'était en 1972. Oui, en 1972. Mmh. Mouroha a écrit une lettre au président de la République. Il a eu le courage d'écrire cette lettre. Mmh. Alors, avec tout cela, ça montre que réellement le parti IPRONA n'a pas participé, n'a pas planifié, n'a pas fait aucun acte condamnable pendant ces événements. Donc vous, en un mot, vous niez la participation du parti IPRONA dans ce crime de génocide en 1972. Nous nions... catégoriquement, nous sommes catégoriques face à toutes ces accusations. Le parti IPRONA est vraiment neutre. Donc, il est quitte. Mais de manière générale, c'est comment votre sentiment, le sentiment du parti IPRONA par rapport à ce rapport, justement, de la commission qui a été présenté le 20 décembre. Le parti IPRONA a accueilli le rapport comme tout Burundais. Et aujourd'hui, nous allons essayer de le fouilleter, de lire et voir toutes les accusations qui sont portées contre l'IPRONA, et aussi lire et connaître tout ce qui se trouve dans ce rapport. On aura l'occasion alors de dire quelque chose en rapport avec le contenu. Sinon, il est encore tôt, et nous allons prendre un peu de temps pour faire la lecture et donner notre position. Il y a une petite question que je voudrais vous poser. Vous, honorable Ernest Nahimana, de même que Aloïse Batungwana de la CVR, il y a des opinions qui estiment que les Nations Unies devraient être impliquées dans la recherche dans ces affaires de crimes de génocide pour prouver. Donc, il fallait que les Nations Unies soient associées. Quel serait votre point de vue ? Personnellement, je crois que je ne suis pas très qualifié pour donner ce qu'il fallait faire. Mais je me dis que si on veut que le génocide soit reconnu internationalement, je crois qu'on peut, on doit faire appel à des commissions internationales. Sinon, la commission, la CVR, a fait son travail ici au Burundi localement. Si on veut que ce crime soit accepté par les Nations Unies, je crois que ça sera une autre étape. Ouais. Un mot à dire là-dessus, Aloïse Batungwana de la CVR. Implication des Nations Unies, ce n'est pas nécessaire? Mais c'est nécessaire parce que les Nations Unies, c'est l'association des pays du monde. Et s'il y a eu un génocide et s'il y a eu des crimes contre l'humanité, c'est une partie de l'humanité qui a été victime. Et donc, les Nations Unies ont l'obligation de le reconnaître. Ce n'est pas les Nations Unies qui doivent confirmer le génocide. Ce n'est qu'une déclaration pour que les mesures de réparation, les mesures de prévention soient prises par tous les pays. Sinon, la reconnaissance, la confirmation émane du pays qui... dans son arsenal juridique, reconnaît les crimes de génocide comme le Burundi l'a déjà reconnu dans son code pénal, dans la constitution. Donc, le Burundi aujourd'hui est capable de reconnaître et punir le crime de génocide et le crime contre l'humanité depuis mai, je pense que c'est le 17 mai, si je me trompe sur la date, mais c'était en 2003 où le Burundi, le Parlement, a voté une loi qui réprime les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et donc, c'est le Burundi qui doit d'abord confirmer qu'il y a un génocide. Mais reconnaissez, vous allez lire le rapport de Benjamin Whitaker du 2 juillet 1985, qui a reconnu qu'il y a eu un génocide des Bahutu au Burundi. J'espère que professeur Évariste Ngaïmenda vous a entendu tous, les deux. Professeur, votre analyse par rapport à ce que viennent de dire les deux. Honorable Ernest Nahimana du parti UPRONA, Aloïse Watungwanayo, victime, membre de la CVR, votre analyse par rapport justement à ce rapport de la Commission Vérité et Réconciliation qui a été présenté le 20 décembre 2021. Bon, avant que je ne l'oublie, je voudrais d'abord commencer par ce rapport de Whitaker. Si c'est celui que je connais, c'est un petit document. Celui que vous venez d'évoquer, Aloïse. Oui, de moins d'une cinquantaine de pages. Ouais. Qui ne parle du Burundi que sur tout au plus trois lignes. Ouais. Dire qu'il reconnaît... Mais qui affirme ce génocide. Qui affirme, mais sur base de quoi. Ce rapport ne comporte que quelque chose comme 48 pages. Il n'évoque le Burundi que sur trois lignes. Ouais, ouais. Est-ce qu'en trois lignes, on peut démontrer qu'il y a un génocide quelque part? Pourquoi voilà, il met ces trois lignes? Ceci dit, je voudrais commencer par une mise au point. D'abord, je n'ai pas encore eu l'intégralité du rapport. Peut-être que ce que je vais dire... C'est combien de pages? C'est un rapport qui contiendrait près de 900 pages. Vous comprenez très bien qu'il y a beaucoup de choses. Je n'ai eu accès, et là encore depuis quelques deux jours, je n'ai eu accès qu'au résumé exécutif que je n'ai pas encore lu en intégralité. Alors, à ce que j'ai déjà vu, je voudrais dire que ce rapport me gêne un peu. Il me gêne par rapport à... Enfin, oui, me gêne. Donc, je vais dire, je ne me satisfais pas, quoi. D'abord... Mais c'est une étape. Aloïse l'a dit. Je vais y arriver. ce rapport ne me semble pas très clair sur l'enchaînement des événements. D'abord, de mon point de vue, peut-être que c'est fait dans le rapport intégral, il ne revient pas assez sur les crises antérieures à 1972. Au moins les crises de même nature que celles de 1972. Or, en ne commençant pas par ces crises, j'ai l'impression... Vous parlez de quelles années? Je parle de la crise de 1964, de 1965, de 1969. Or, je pense que s'il avait commencé par ces crises, avant d'aborder la crise de 1972, il aurait peut-être pu conclure autrement qu'il ne l'a fait aujourd'hui. C'est vrai, l'argument de la CVR consiste à dire que les témoins des événements de 1972 étaient menacés de disparition. Et c'est vrai, ça je comprends. Mais si ce n'était que ça, bon, c'est vrai aussi que il a privilégié 72 en raison de l'ampleur des événements, des victimes et de l'expansion territoriale de la crise. Mais si c'était ça, il aurait pu glaner les éléments, faire un rapport d'étape, comme il l'appelle, mais attendre, avant de faire un rapport consolidé, attendre et y intégrer aussi les événements des crises antérieures. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, de mon point de vue, la conclusion de ce rapport, qu'il qualifie d'étape, est une conclusion assez sérieuse pour faire objet d'un rapport d'étape. Parce qu'il conclut à l'existence d'un génocide des Hutus. Et donc des il y a qualification solennelle. Il y a qualification. Et pour moi, ça c'est une conclusion extrêmement importante et extrêmement grave qui ne devrait pas venir au niveau d'un rapport d'étape. Comment grave? Surtout que... Grave c'est... comment? Quoi? Un génocide, c'est pas grave? C'est grave, oui. Mais ça doit être donc, qualifié en tout cas. Et oui, bien ça, sûr. Et ça a été sûr. Qualifié par une institution. Oui, tout ça, je suis d'accord. Mais je dis qu'il aurait pu aboutir à cette conclusion après y avoir intégré les analyses et des crises antérieures. Parce qu'en fait, partir de 72, c'est faire quelque part une analyse tronquée. Premier aspect. Deuxième aspect, je crois que la crise de 1972, comme celles qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi, c'est quelque part une crise entre deux groupes communautaires burundais, les Hutus et les Tutsis. Or, Cette CVR est mise en place en 2018, à un moment politique que vous connaissez. Il y a eu d'abord deux rendez-vous électoraux qui se sont passés comme ils se sont passés en 2010 et en 2015, suivi d'une révision de la Constitution. Et ces rendez-vous électoraux, en passant, comme professeur, la... oui. il y a dans le rapport, c'est dit aussi que il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis contre et les Hutus, et les Tutsis, et les Twa sur le littoral Tanganyika. Oui, mais laisse-moi faire mon développement quand même. Et donc, de mon point de vue, le contexte dans lequel cette commission a été mise en place, c'est un contexte d'incompréhension politique qui fait que quelque part la CVR reste perçue d'une certaine manière par une partie de la population, particulièrement le groupe Tutsi, par rapport à des exigences de neutralité, par rapport à des critères de compétence résultant de ce contexte, particulièrement, je pense au contexte de pulvérisation du parti Prona, qui quand même représente une sensibilité ethnique et qui, de mon point de vue, est partiellement à l'origine de ce que je considère comme un certain déséquilibre au niveau de cette CVR, ce qui, de mon point de vue, entache quelque part sa légitimité intérieure et internationale. Et si vous parliez du rapport. Tu ne peux pas parler du rapport de la commission sans parler du contexte dans lequel elle a été mise en place ou de ce qui la compose. C'est un travail d'homme, n'est-ce pas, qui se produit dans un certain contexte. Troisième aspect, j'ai essayé de lire assez attentivement ce que la commission considère comme étant la planification de ce qu'il a appelé le génocide des Hutus. J'ai relevé un certain nombre d'éléments, notamment l'analyse des événements antérieurs, notamment la confection des listes, des listes qui sont faites avant, les fosses communes qui ont été creusées avant. Bon, avant, c'est avant quoi ? Est-ce que c'est avant l'arrestation des gens ou c'est avant le 29 avril ? Cette précision... 29 avril 1972. Oui. C'est avant le 29. C'est avant le 29. Ouais. Peut-être je relirai dans le rapport. Et en même temps, on nous dit, mais il y a des fosses qui avaient été creusées pour autre chose. Alors, comment distinguer les fosses qui avaient été creusées pour les victimes pressenties ou distinguer les fosses qui avaient été creusées pour autre chose ? Autre chose, c'est quoi ? Bon, on peut creuser des fosses pour beaucoup de choses. Même à menuisier, avant de faire avant de tailler les planches, il doit creuser une fosse. Est-ce que vous pouvez vous résumer ? Ça, j'ai lu dans le rapport. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous résumer, professeur ? Enfin, je vais poser une question à notre collègue Batou Manayo. À quoi est dû l'arrêt des massacres ou des génocides ? À un moment, le génocide s'est arrêté. Massacres sont arrêtés selon le bord des analystes. Qu'est-ce qu'il explique ? Vous avez une réponse, en vous en tout cas. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore lu l'intégralité du rapport. Mais attendez, peut-être qu'il va réagir. Est-ce que, professeur, est-ce que les Nations Unies doivent nécessairement avoir un mot à placer dans de telles affaires ? Et pour le cas précis ? En principe, l'établissement d'un crime de génocide relève du droit international. Bon, le présupposé, c'est que dès qu'un génocide est reconnu, la justice internationale coopère à sa répression. Dans le cas d'espèce, alors que les négociateurs d'Arusha l'avaient voulu ainsi, il y a comme une volonté de tenir plus ou moins à l'écart la communauté internationale et son expertise, même si, à entendre le président de l'Assemblée nationale, il demande au gouvernement d'appeler la communauté internationale à coopérer à la reconnaissance de ce génocide. Oui. Mais de mon point de vue, je ne crois pas que cela ait été fait. Je crois que cette communauté internationale aurait dû être associée dès le départ. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un contexte où et les Hutus et les Tutsi revendiquent chacun de son côté le statut de victime et s'accusent mutuellement pour les Hutus. Les génocidaires sont les Tutsis. Pour les Tutsis, les génocidaires, ce sont les Hutus. Et finalement, on se retrouve face à une situation où la vérité ne peut venir que d'une équipe réellement neutre et très compétente. Est-ce qu'il peut y avoir deux génocides dans un même pays, professeur? De mon point de vue, théoriquement, oui. Il peut y en avoir même trois. Quatre. Nous aurions aimé que le président de l'Observatoire national pour l'éradication et la prévention des crimes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité soit là pour avoir sa version, mais cela n'a pas été le cas malheureusement. Mais Aloïse Batungwanayo de la Commission Vérité et Réconciliation, c'est quoi selon vous la suite à réserver à ce rapport de votre commission? Je ne sais pas si je vais inventer la roue, mais je vous renverrai à la page 64 du résumé. Résumé du rapport. Rapport d'étape. Mm-hmm. Ça montre très bien la suite. La suite, c'est quoi? C'est bien clair, je ne fais que lire. Il y aura organisation des audiences publiques. C'est marqué. Des audiences publiques où il y aura des témoins, des acteurs qui seront là pour certains s'expliquer et d'autres s'accuser. Et enfin, trouver le juste milieu, il y aura les gens de la CVR. Il y aura également la collecte des données pour connaître qui finalement sont les victimes de ces massacres, de ces crimes contre l'humanité, de ce génocide. Il y aura également l'organisation des débats qui vont rassembler les associations des victimes. Il y aura l'organisation des débats, des audiences thématiques où différents chercheurs dans des domaines, dans des disciplines différentes vont être invités à débattre. Il faut comprendre pourquoi on dit que c'est un rapport d'étape. C'est d'abord statutaire. La loi dit que la CVR doit donner un rapport chaque année. Mais comprenez qu'après une année, il y a des choses qu'on trouve et qu'on dit on clôture. Par exemple, la qualification sur 72 est maintenant clôturée. Pourquoi? Après la qualification, c'est déjà qualifié. Il n'y a pas à retourner en arrière. Il n'y a pas à retourner, mais cela n'empêche pas d'autres activités. Parce qu'on doit également écrire la vérité historique. Si la vérité juridique, parce que la CVA a qualifié selon le droit international humanitaire. Et on sait ce que c'est. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Donc, il y a d'autres responsabilités, la vérité historique qui doit être écrite. Et là, c'est l'objet des audiences publiques, c'est l'objet des audiences thématiques, c'est l'objet des débats à tous les niveaux, même à l'extérieur. Donc, voilà en fait, grosso modo, les autres étapes. Ce n'est pas à dire que 72, c'est fini, c'est clos. Non, il y aura d'autres étapes. Parce que ça, c'est la vérité. Il faut entamer le processus de réconciliation. Est-ce que vous avez un mot, une réaction par rapport à ce que vient de dire professeur Evariste Ngaïmenda? Il parlait des membres de la commission, la mise en place de ces membres. En tout cas, il se montre un peu moins confiant par rapport aux membres de cette commission. Je dois vous dire que moi, je fais des recherches depuis 2006 sur la chronologie de la justice transitionnelle au Burundi. J'ai à peu près 25 pages. Comment les choses se sont suivies depuis les négociations d'Arusha et puis à Pretoria? Moi, je pense qu'il ne sera jamais temps de mettre en place la commission vérité et réconciliation. Je me souviens, en 2006, je travaillais dans une organisation internationale. J'étais dans des associations nationales où on réclamait qu'il y ait la mise en place de la commission vérité et réconciliation. Et au niveau de la société civile, on réclamait à corps et à cri qu'il faut le mettre. Et même jusque 2013, on réclamait ça. Dès lors que la commission a été mise en place en décembre 2014, les gens ont dit non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ben si, si. Je le dis parce que je l'ai documenté, la chronologie de la justice transitionnelle. Donc, je vais dire, il ne sera jamais temps pour tous les Barundis pour mettre en place les mécanismes et les traitements du passé. Honorable Ernest Nahimana du parti UPRONA, vous êtes le porte-parole. C'est quoi la suite? Il vient de parler de la suite. Il y a beaucoup d'autres étapes qui restent. Quelle serait votre réaction? Bon, c'est vrai, il nous a parlé beaucoup d'activités qui sont prévues par la suite. Et ce que j'ai pu retenir que me satisfait un peu, c'est qu'il y a des débats qui seront organisés. Peut-être on va donner une occasion aux accusés de s'exprimer et de s'expliquer. Et aussi, on va donner des opportunités pour certains. Ouvrir d'abord que le rapport, il faut que le rapport soit public, qu'il soit distribué, porté à la connaissance de tout le monde, afin que quiconque puisse lire et peut-être participer dans ces conférences avec des connaissances déjà en place. Et troisièmement, c'est que ce qu'il nous a parlé de classement de les faits, qu'on a déjà qualifié les faits, ça, on prend acte, mais tout en restant sur notre position de réfuter les accusations contre l'IPRON. Et sinon, en tout cas, les activités de la commission Vérité et Réconciliation doivent aboutir à une vérité et réconciliation entre Burundais. Et comment aboutir justement à cette réconciliation, selon vous? Les activités qui sont prévues pour réconcilier les Burundais, le professeur Ngaï Menda a parlé de la mise en place des commissions. Je crois que dans ces activités, peut-être, ils vont étudier les mécanismes d'approcher les gens qui ont suffisamment de bagages dans ces domaines pour qu'ils puissent les aider, afin que ces activités soient menées d'une façon très sérieuse. Deuxièmement, peut-être, ce que je peux ajouter aussi, faut pas mettre de côté les gens qui ont accepté les gens qui ont accepté de donner leurs avis et considérations. Je vous ai parlé il y a des interviews qu'ils ont fait. Il faut que ça aussi soit porté à tout le monde, parce que je ne sais pas s'ils ont pris ça comme... Les témoignages. Oui, les témoignages. Je ne sais pas s'ils prennent comme ça, comme parole de la Bible. Il y a des témoignages contradictoires. Aussi, il faut ouvrir dans ces débats, je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'écouter, de lire ces témoignages, afin que l'on puisse dire quelque chose. Peut-être que ça sera fait dans ces débats qu'a évoqué M. Aloïse Batungwanayo. Professeur Évariste Ngaïmenda, qu'est-ce que vous diriez de la suite qui serait réservée à ce rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, et puis un mot aussi par rapport à cette vérité et réconciliation attendue chez les Burundais? Bon, j'ai suivi un peu la présentation qui a été faite par le président de la CVR, et j'ai suivi aussi certaines réactions des députés ou des sénateurs. J'ai suivi enfin la déclaration du président de l'Assemblée nationale qui a suivi les demandes qu'il a faites au gouvernement. Moi, j'ai comme impression qu'il y a un agenda politique et qui se fait à la va-vite. Qui se fait à la va-vite parce que ces débats qu'on nous annonce, ces débats auraient pu être organisés avant que la CVR ne conclue à l'existence d'un génocide ou des crimes contre l'humanité. Je pense que c'est aussi des questions sur lesquelles les gens, la population, auraient pu contribuer. Maintenant, on a déjà conclu un génocide, il y a des crimes contre l'humanité. On nous invite à débattre. Finalement, on va débattre sur quoi? Entre-temps... Est-ce que les débats ne sont plus nécessaires? C'est ce que vous dites? Bon, je ne sais pas, mais quand même, il y a une matière essentielle sur laquelle on est privé du droit de débattre, c'est ça que je vais dire. Entre-temps, circulent des listes, des personnalités qui seraient coupables, qui seraient accusées d'être responsables de ce génocide. Ça, c'est extrêmement grave. Surtout lorsque je vois des noms dont certains n'étaient plus... 2 ou 3 ans avant la crise de 1972. Et on les accuse d'être responsables du génocide. Et j'allais peut-être oublier de le dire. Pourquoi je parlais d'agenda? La CVR répond à une demande qui lui est parvenue le 1er mai 2017, pardon, du collectif des associations des rescapés victimes du génocide de 72, qui opérait à l'époque à partir du Canada, mais qui a aussi une antenne ici. Un rapport lui a été transmis le 1er mai 2017 et il demandait... Le rapport du collectif ? Oui. Et il demandait qu'on reconnaisse, il demandait à l'Assemblée nationale de reconnaître le génocide des Hutus de 1972. Vous voulez dire que la CVR a travaillé sur base de cette demande du collectif ? Oui, mais je ne peux que constater que ce rapport a été officiellement remis à la CVR le 1er mai 2017. Et cette demande est formelle dans ce rapport, ce qu'il appelle le génocide des Hutus de 1972, et qui continue. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui auraient déposé je ne connais que ce rapport. Peut-être qu'il y en a d'autres, je n'en sais rien. Maintenant, vous parlez de réconciliation. La réconciliation est un exercice extrêmement exigeant, qui demande beaucoup d'intelligence, qui demande beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup de dépassement de soi. Ça exige beaucoup plus de sérénité qui ne me semble pas y en avoir aujourd'hui. Tenez. Vous doutez que ça ne soit pas fait dans l'avenir ? Bon, j'ai des raisons de douter. Le rapport est présenté, je crois, le 20 décembre. Ouais. Séance tenante, le président de l'Assemblée nationale y a déjà fait suite. Est-ce que je suis ici avec un sénateur ? Est-ce que vous avez discuté du rapport avant qu'il ne soit présenté ? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que la suite de l'Assemblée nationale lui a été donnée séance tenante. Est-ce que les députés ont eu droit de discuter de ce rapport ou bien ? Parce que c'est quand même une question que l'on peut se poser. La logique aurait voulu que l'Assemblée nationale soit saisie, qu'elle fasse au moins un débat sur ce rapport et qu'il réserve la suite qu'il devait lui réserver. Mais j'ai eu le sentiment que la suite a été donnée séance tenante. Alors, quand est-ce qu'a eu lieu le débat ? C'est pour ça que je parle d'un agenda politique où vraiment on va à la va-vite. Et alors, comment devraient se faire les choses, selon vous ? Écoute, une institution comme l'Assemblée nationale, réunie en congrès, est saisie d'une demande, est saisie d'un rapport, elle prend quand même le temps d'en discuter. Alors, ma question est très simple, et je suis ici avec un sénateur. Quand est-ce que ce débat a eu lieu ? Vous estimez que le débat n'a pas eu lieu, donc ? Non, je pose la question. Aloïse, est-ce que vous avez un mot à placer ? Est-ce que moi je discuterai sur le travail du Parlement ? Donc, vous dites que la CVR a fait son travail. Rapport au Parlement. Mm-hmm. Parlement, les deux chambres. Les deux chambres, réunies. Ngaïm Henda parle de la va-vite. Je me pose la question, car à 9 ans après, à peu près 50 ans, que c'est finalement la va-vite. Mais je dois placer quelque chose quand même de très important. J'ai dit les étapes à suivre. Il faut comprendre que la CVR ne travaille pas seulement sur 1972. La CVR doit travailler sur toutes les périodes dont Ngaïm Henda a parlé, certaines. Bientôt, à entendre parler professeur Ngaïm Henda, il se peut que les années 1965-1969, je ne sais pas, ça constitue des origines de ce qui s'est passé en 1972. Mais la CVR s'est contentée seulement de 72. Non, regardez la première partie. Elle s'appelle « Les origines des violations des droits humains de 1972 à 1973 ». Et parmi ces origines, il y a les injustices à l'endroit des Bahima. Il y a l'invasion du Burundi par l'Allemagne. Il y a le contexte sociopolitique. Il y a l'assassinat du prince Louis Gwagasore. Il y a l'assassinat de Ngendandumwe. Il y a les massacres de 65. Il y a la suppression de la monarchie. Il y a le complot de 69. Tout ça constitue l'origine. Ça constitue les origines. C'est pour vous montrer que le travail de la CVR, et c'est d'ailleurs ça, plus de 120 pages, qui sont réservées aux origines lointaines et immédiates sur ce qui s'est passé en 1972. Ce n'est pas fini parce que dans la recherche, on ne peut pas dire qu'on a terminé. Non du tout. Mais quand même, on a consacré plus de 120 pages sur les origines. Cela veut dire que s'il y a d'autres sources, on les citera. et je dois placer à mot les livres d'Ongaïm Henda, deux tomes aujourd'hui réédités, ont été consultés et ont été cités. Les livres de Jean-François Dupatier... C'est cité dans votre rapport. C'est bien cité des citations, on a bien lu. Les livres de Jean-François Dupatier, les livres de René Lemarchand, les livres des autres auteurs qui ne sont même pas historiens ont été consultés. Et il y a d'autres rapports qui ont été consultés par la CVR. Je vous donne un seul rapport, je dirais, plus ou moins acceptable. La Ligue des droits de l'homme, section Louvain, belge, en septembre, a bien qualifié. Nous avons le rapport, et le rapport de cette Ligue. Quiconque le veut, même demain, je peux le donner, même aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui avaient déjà qualifié. Nous avons consulté les archives et les ouvrages écrits par des Burundais et des non-Burundais, dont les deux tomes du professeur Ngaïm Henda, ici présent. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Quand est-ce que vous estimez que vous allez terminer le dossier 72, vous, la CVR, pour peut-être entamer d'autres événements, d'autres années sombres qui ont marqué l'histoire du Burundi? Bon, on n'a pas encore fait le plan annuel d'activité, mais devant l'Assemblée, le président a dit « dans les prochains jours, on va terminer ». Je pense que avant le mois d'avril, 72 sera clôturé pour entamer... Avril 2022. Pour entamer 88. 88, ce n'est pas très, très, très dense. Et puis entamer 1993. Sinon, je posais la question aux deux autres intervenants ici par rapport à la réconciliation attendue chez les Burundais. Ben, écoutez, la réconciliation, c'est quoi? C'est un processus. Et il y a un préalable à la réconciliation. C'est la découverte de la vérité. Discuter sur cette vérité et puis enclencher le processus de réconciliation. Et je dois vous dire que aujourd'hui, l'année passée, j'étais en Allemagne, le processus de réconciliation n'a pas encore abouti. Après la Deuxième Guerre mondiale, au Rwanda, tout près, après le génocide des Watutsi en 1994, le processus de réconciliation n'a pas encore abouti. Et d'ailleurs, l'année passée, le président de la République, Kagame, a nommé un ministre chargé de la réconciliation. Donc la réconciliation, c'est un processus. Il faut l'amorcer et la continuer. Mais il faut mettre des gages pour que cette réconciliation soit durable. Amorcer et continuer pour aboutir à une réconciliation, disons, effective. Durable. Durable. Comment alors, et ce sera une question à poser à tout le plateau, comment devraient se comporter les Burundais en général et les pouvoirs publics en particulier? La première chose, moi j'inviterais tous les Burundis à avoir de l'empathie envers l'autre. Il faut cesser de voir l'autre comme quelqu'un qui le fait peur. Il faut compatir parce que dans le rapport, on nous montre qu'il y a, je dis 72, on nous montre bien qu'il y a des Batutsi qui ont été assassinés, même des noms. On nous montre qu'il y a des Batois qui ont été assassinés, il y a des noms. On nous montre qu'il y a des Bahutus qui ont été assassinés, il y a des noms. Donc, il faut inviter les Bahutus d'une part à reconnaître la souffrance des Batutsis. D'autre part, les Batutsis à reconnaître la souffrance des Bahutus. Et enfin, les Bahutus et les Batutsis reconnaissent la souffrance des Batois qui sont jusqu'à aujourd'hui considérés comme des parias de la société burundaise. Et si on commence cette empathie envers l'autre, je pense que, je suis d'ailleurs convaincu que le processus de réconciliation ira bon train. Ernest. Ok, merci. Premièrement, je commencerai à remercier M. Aloïse de son intervention. Mais je vais souligner quand même, il a parlé de la connaître la vérité. Là, je me dis qu'il faut être un peu patient parce que la vérité, ce n'est pas pour demain. Il faut permettre à tout Burundais et surtout à celui qui veut parler, lui donner son cadre d'expression afin qu'il puisse dégager ce qu'il ressent. Ça, je crois que c'est un travail que l'on doit faire avec beaucoup d'attention. Mais qui a commencé déjà. D'accord. il faut y aller doucement et doucement pour que donner la chance à beaucoup de gens. Deuxièmement, vous avez parlé de la réconciliation. La réconciliation, d'abord, va commencer par le changement du langage et du comportement. Moi, j'ai déploré le langage qui a été utilisé pendant la présentation du rapport. Il y a un langage que l'on peut utiliser pour susciter la haine et la jalousie, hein, pour faire peur aussi. Et je crois que les autorités, que ce soit de la sévère ou de ce pays, doit tenir un langage apaisant et rassurant. Vous dites un langage de la part de la sévère lors de la présentation le 20 décembre. Exact. Donc, j'ai regardé dans la salle avec, si on veut parler à un public, dire la vérité, ce n'est pas chercher à... à susciter des mécontentements. Donc, il faut essayer d'utiliser un langage apaisant, avec, bien sûr, à voir comment le public a accueilli. Tout le monde a été vraiment, pour certains, fâché, et d'autres, ils avaient peur. Donc, cela a montré que, sincèrement, pour qu'il y ait un peu de, pour que on fait appel aux gens à se réconcilier, faut pas faire peur à certains et susciter la haine pour les autres. Et pour terminer, j'invite aussi la sévère à essayer de fouiller encore, parce que le non-dit est toujours là. Le non-dit est toujours là. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, qui ont eu peur. Il y en a d'autres qui, aujourd'hui, sont prêts à dire la vérité. Mais si on vous appelait un jour, en tout cas, je pense que vous serez prêts à dire cette vérité. L'honorable a déjà aidé la CVR. Moi, je l'ai contacté personnellement. Il m'a donné des gens que nous sommes allés voir et ils ont témoigné. Dans sa commune natale. Oui, oui. Et c'est mentionné quelque part dans votre rapport. Bien entendu. Oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà commencé. Voilà, c'est ça que je voulais. Professeur Ngaïmenda, Évariste, nous tendons vers la fin de l'émission. Nous parlons donc le comportement. Le comportement que devraient adopter les Burundais de manière générale et les pouvoirs publics en particulier par rapport à ce qui a été présenté donc dans ce rapport le 20 décembre 2021 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Bon, d'abord, je voudrais revenir sur un ou deux éléments que mon collègue Aloïs a relevés. Bon, il a parlé des sources qu'ils ont consultées, il a parlé de mon livre, auquel je vous remercie. Bon, je me rendrai certainement compte quand j'aurai l'intégralité du rapport. Mais en commençant, je vous ai dit que je restais sur ma soif, spécialement quant à l'enchaînement des faits et surtout par rapport aux enseignements qui ont circulé dans ce pays depuis 1959 et qui malheureusement continuent encore aujourd'hui à circuler et qui donc ont permis de véhiculer une idéologie du génocide dans ce pays comme dans la sous-région. Je n'ai pas eu l'impression que je retrouvais cet élément dans votre résumé exécutif. Ça se trouve bien, à la page 56. Je l'ai lu cette page. Ces enseignements. Je l'ai lu cette page et je reste sur ma soif, tu sais. La page 49 et la page 50. C'est précisément la partie que j'ai lue. Bon, je verrai peut-être quand j'aurai l'intégralité du rapport. Deuxième chose, vous savez, ce genre de travaux d'une commission comme celle-là, ça se fait dans un contexte apaisé et dans un contexte d'un pouvoir partagé. Je constate qu'on est dans un contexte de restriction des espaces à la fois politiques et médiatiques, dans un contexte de pouvoir monopolisé. Alors, est-ce que ce contexte est de nature à permettre un débat franc, un débat libre et un débat dépassionné par rapport à une question aussi importante. Car... Est-ce que vous pensez que vous ne serez pas associé dans ces débats? Écoutez, je serai associé il y a quelques mois. Le Sénat a invité le président Ibanou Ngaïa pendant 5 conférences successives, dont l'animation est laissée à une et une seule personne. Sur quel sujet, précisément? Sur ce sujet, précisément. Le Sénat, une institution aussi importante que le Sénat, organise un débat sur cette question et ne laisse le podium qu'à une personne, fit-elle le président Ibanou Ngaïa. J'étais invité, j'ai jamais été. Parce que j'estimais que les dés étaient jetés dès le départ. Ce n'est pas normal qu'on organise un débat comme celui-là et qu'on laisse le podium à une personne. Alors, avez-vous peur que vous ne serez pas invité? Je serai invité demain dans les mêmes conditions. Je n'irai pas parce que j'estimerai que c'est inutile. Si on veut un débat, il faut effectivement ouvrir le débat, il faut ouvrir le podium à tout le monde. Sinon, ça sera toujours une pensée. Mais il doit y avoir quelqu'un qui invite dans ces débats. Tout à l'heure, le sénateur, il doit y avoir quelqu'un qui invite. Oui. Mais vous ne pouvez pas inviter à un débat où plus d'une personne estime quand même avoir à dire. Et effectivement, on a à dire. Et vous ne venez qu'écouter. On ne vous donnera la parole que si on veut. Est-ce que vous trouvez normal qu'on laisse le podium à une personne 5 séances durant? Et si vous y allez directement avec des propositions? Est-ce que ça, ce n'est pas une proposition? Qu'on ouvre le débat, qu'on ouvre aussi le podium à d'autres personnes. On ne veut pas de pensée unique. Tout à l'heure, le sénateur vient d'évoquer l'ambiance qui était dans la salle. Mais c'est une salle en congrès. Un congrès du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cela en dit long, vous savez. Je me souviens, ça me rappelle exactement le débat qui a été organisé, je pense, fin 2017, début 2018, à l'approche de la révision constitutionnelle. Je me souviens d'une vieille femme qui sortait un bout de papier et qui s'exclamait « Ah, Babinyadi Kiena, tu comprends ?» Ce sont des gens qui n'ont jamais vu le texte de la Constitution de 2005, qui réclamaient la révision de la Constitution de 2005 sur des articles précis. Pourquoi? Parce que on leur avait demandé, ils étaient commandés pour ça. Voilà le genre de débat qu'on a l'habitude de voir ici au Burundi. À quoi sert ce genre de débat? Est-ce que ça vous tente, Aloïse Batungwanayo? Je pense que c'est un clin d'œil tout simplement qu'il lance, qu'il fait à l'endroit de la CVR. Mais sinon, il parle d'autres institutions. La CVR n'a pas encore fait ça. Et d'ailleurs, je venais de le dire qu'au niveau des enquêtes, je ne connaissais pas Vianda, parce que c'est la commune natale de l'honorable. Je l'ai appelé moi-même, je lui ai dit, est-ce que tu peux nous donner des gens qui peuvent témoigner? Et il a accepté volontiers. Mais il a accepté et nous les avons cherchés. Je pense qu'il a eu un retour. Donc ça montre que déjà la CVR est ouverte. Je vous ai dit, les gens qui ont été auditionnés par la CVR. Et donc, la CVR n'est pas un prêtre qui donne une leçon magistrale. Non, c'est un débat. Ce n'est pas une communication verticale, ce sera une communication horizontale. Aloïse Batungwanayo, membre de la commission Vérité et Réconciliation, merci d'être venu, merci de votre participation à cette émission Mosaïque et merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie, mais je dois vous dire que la vérité qui est en train d'être cherchée par la CVR, c'est une vérité réconciliatrice et qui est de loin une vérité vindicative. Merci. Merci à vous, honorable Ernest Nahimana. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti UPRONA. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, professeur Evariste Ngaïmenda. Merci de votre participation et contribution à cette émission Mosaïque. Je vous remercie également. Je remercie ceux qui nous écoutent. Je remercie surtout notre collègue Batungwanayo sur la promesse qu'il vient de faire. Et on s'en rendra compte à la lecture du rapport que nous demandons à avoir dans les délais meilleurs. Parce que c'est un rapport qui nous concerne. Je tiens à préciser que nous avons voulu être avec le président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, M. Jean de Dieu Moutawazi. Il avait accepté Il est même venu, mais il est parti avant le début de l'émission. Et c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur la qualification solennelle, le 20 décembre 2021, des crimes de 1972-73 au Burundi. Qualification selon laquelle ces crimes constituent un génocide des Hutus. Merci alors de nous avoir suivis. Nous disons merci aussi à l'équipe technique, Lies, Désiré et Eric. L'émission a été réalisée par Alain Désiré Boukeneza. À la présentation, Léonce Bitariho. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.